نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mes frères, dans les cours qui ont précédé, on a parlé de la parole d'Allah et qu'il faut retenir, s'agissant de la parole d'Allah, il faut retenir deux règles. Il faut retenir deux définitions, à savoir qu'Allah, il parle d'une parole réelle quand il veut, comme il veut, de ce qu'il veut, avec des lettres et des voix qui ne ressemblent pas aux voix des créatures. Hein? Des lettres et des voix. Et on a détaillé cette définition. Chaque mot de cette phrase, on a donné des preuves. Qu'Allah, il parle d'une parole réelle. Il y a des preuves. Qu'Allah, Allah, Moussa, Taklima. Dans le Coran, Allah, il a parlé à Moussa. Une vraie parole. Hein? Et de ce qu'il veut. Et comme il veut. Soit un appel, soit autre chose. Parce qu'Allah, dans un verset, il l'appelle aussi. Wanada, wanada inahu. On l'a appelé. Et avec des lettres. C'est-à-dire que Allah, il a parlé avec des lettres. Et avec une voix. Parce qu'il s'est rapporté dans le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va appeler d'une voix, il va appeler Adam, ya Adam, fayunadi bisawt, ya Adam, akhrij min zurriyataka ba'tan ilan nar, sort de ta descendance une partie en enfer. Hein? Allah, il va appeler d'une voix, il va appeler Adam de sortir parmi 1000 personnes, un au paradis et 999 en enfer. Ça veut dire que les habitants de l'enfer sont plus nombreux. Et les gens du paradis sont moins nombreux. C'est une minorité. Parce que la vérité, il n'y a pas beaucoup qui la suivent. Ils suivent leur passion ou leurs ambiguïtés. C'est pour ça qu'il faut faire l'effort d'apprendre pour connaître sa religion, connaître son dogme, sur quoi tu te bases pour être solide. Connaître ce que ça veut dire « La ilaha illallah ». Connaître ce que ça veut dire l'amour, la crainte, l'appréhension. Toi, tu dois adresser à Allah, subhanahu wa ta'ala. Connaître le droit d'Allah sur toi, pour que tu sois solide. Quand tu fais da'wah, quand tu propages la religion, et quand tu fais ta prière, tu t'accroches à ta religion. C'est pas où il y aura la moindre épine dans ta route, tu changes tout, tu te détournes de la voie. C'est ça la base, c'est ça le dogme. Le dogme, il renforce la personne. Il est solide. Il sait qu'il est dans la bonne voie, il craint personne. C'est ça. C'est pas une question de groupe ou d'ambiance ou tout ce qui s'ensuit. On essaie de vous propager le vrai dogme pour que vous soyez solide. Même si tout le monde se détourne de la voie d'Allah, ben tu restes debout. Tout seul tu restes debout. Comme Ibrahim alayhi salam. Il n'a pas essayé de négocier ou de donner des concessions. Tout le monde, toute sa communauté, loin. Et lui, il est resté debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes et les compagnons, ceux qui les ont suivis. Et c'est notre but, pour que vous soyez solides, pour que quand il y a le moindre problème, il y a le moindre l'ennemi, je ne sais pas s'il est assujetti des trucs, il complote des choses contre vous, et alors vous trouvez dans une situation difficile, là vous déviez de la voie. Non. Le dogme, c'est pour te renforcer, que tu sois solide, même s'ils te mettent des épines devant toi. On a parlé de toute façon de la parole d'Allah. On a dit que Allah, il parle d'une parole des réels, quand il veut, comme il veut, de ce qu'il veut, soit un ordre, soit une information, hein, avec des lettres et des voix. Et on a sorti tous les hadiths, toutes les preuves concernant ce dogme là concernant la parole d'Allah qui est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a parlé du Coran et on a dit quoi? Que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, non créée. Que le Coran c'est la parole d'Allah, il vient d'Allah et il retournera à Allah, et il est non créé et il est descendu. Al-Qur'an huwa kalamullah al-munazzal minhu bada ghayr al-makhluq minhu bada wa ilayhi ya'ud. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a souffert pour protéger notre dogme concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'à son époque, il y avait des gens qui ont jeté des ambiguïtés comme quoi le Coran, il est créé. Et ce n'est pas la parole d'Allah. De toute façon, maintenant même, il propage ces ambiguïtés pour que notre cœur ne soit pas... pour que l'importance du Coran n'est pas... pour que le Coran n'ait pas une marque dans notre cœur. Mais quand on sait qu'Allah, il a vraiment parlé, que c'est la parole d'Allah, je crois que tu vas faire tout pour que ces lois-là s'appliquent sur cette terre. Vous êtes d'accord? Tu vas faire tout, tu donnes ton sang. Comme Uthman, radiallahu anhu, il a donné son sang. Son sang, il a coulé sur ce corps. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah qu'il faut combattre pour qu'elle soit instaurée sur cette terre, que ces lois s'appliquent. Mais quand on considère qu'il est créé, je crois, quand on a dans le cœur, quand on a cette faiblesse dans le cœur, et qu'on a ce non-respect du Coran, et quand on considère qu'il est seulement créé, ce Coran-là, comme ce verre-là, comme cette pierre, comme cet arbre, je crois que c'est facile de l'écrire dans un talisman et le rentrer avec aux toilettes. Hein? Je crois que c'est facile dans ton cœur de rentrer avec aux toilettes. Je crois que c'est facile de le rejeter derrière toi et de ne pas appliquer ces lois. Donc il faut être sûr que c'est la parole d'Allah descendue et qui reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'est pas créé. L'imam Ahmed l'a fouetté il était sous la contrainte pour dire qu'il est créé, mais il a tenu tête. Walhamdulillah. Et les savants, ils ont dit qu'Allah, il a protégé le dogme, il a protégé l'islam par l'imam Ahmed le jour de l'mihna, le jour de l'épreuve. Et le jour de l'épreuve, c'est à l'époque où a vécu l'imam Ahmed rahmatullah. Ça concernant la parole d'Allah. On en a parlé et on a dit que les croyants, ils vont voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont le voir. Et on a sorti tous les preuves qu'ils vont le voir et on a sorti les ambiguïtés des ennemis du Al-Sunnah, les meneurs d'égarement, leurs ambiguïtés, leurs preuves sur lesquelles ils se basent. Et on a les réponses, ça faut là, nous savons. Comment ils ont sorti ce que nos savants ont donné pour répondre à leurs ambiguïtés. Et maintenant, on va parler d'autre chose. Maintenant, on va parler de la croyance au jour dernier. L'iman au bil-yawm al-akhir. L'iman au bil-yawm al-akhir. Wa min al-iman bil-yawm al-akhir. Toujours, je suis toujours dans le dogme, moi, c'était d'Ibn Taymiyyah. Hein? Comme ça, par exemple, on essaie d'éclaircir en français, parce qu'après quand vous lisez le dogme ascétique, il sera simple, vous l'avalerez vite quoi, hein? C'est-à-dire vous le recevrez bien. Donc parce que c'est pas facile, hein? C'est pas facile, lui il sort des versets et tout ça, mais il faut qu'il soit éclairci. C'est des savants qui ont éclairci le dogme ascétique aux gens. Et donc, Inch'Allah, je ne l'ai pas pris en ordre bien précis, mais j'ai pris des parties, mais jusqu'à atteindre la fin. Parce que si j'ai suivi du début à la fin, je vais tomber dans des choses où on n'est pas à la hauteur de le comprendre pour l'instant, il faut du temps. Donc j'ai pris une partie du début, une partie de la... ce qu'on peut comprendre pour l'instant. Hein? Parce que eux, par exemple, concernant le dogme de la prédestinée, lui, il la met au milieu de sa lettre qu'il a écrite, parce que c'est une lettre qu'il a envoyée à un juge de la région de Ouasset, parce qu'il y avait beaucoup de meneurs d'égarement dans cette région, et le juge-là, Qadi, il a envoyé à Ibn Taymiyyah une lettre pour qu'il réponde aux innovateurs. Et lui, il a écrit cette lettre et l'a envoyée, et les savants, alhamdoulilah, maintenant, il nous explique ça. Donc, concernant le dogme de la prédestinée, on ne l'a pas encore fait. J'ai préféré qu'on prenne des choses, comme ça, jusqu'à la fin, on peut prendre ce qui concerne le dogme de la prédestinée, on le prend à la fin, puisque c'est à la fin qu'on va en parler. Puisque c'est le plus dur pilier de la foi. C'est le plus dur. Et la région de Ouasset, est-ce que vous êtes... Je ne sais pas exactement. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. Croire au dernier jour, c'est croire au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce qui arrivera après la mort. Directement après la mort. C'est-à-dire croire au jour dernier, c'est une obligation et c'est un des six piliers de la foi. Les six piliers, c'est quoi? C'est le hadith du Jibril. Que tu crois en Allah, hein, aux anges, aux malaïkaté, aux kutubé, aux livres, hein, aux prophètes, aux rasoulé. واليوم الآخر إلى جور درني إلى كوانكو وأن تؤمن بالقدر خيري وشاري كو تكوى وجور درني إكو تكوى ودستان إلى بردستين داكور؟ دونك سي سي بيليه كم par exemple les piliers de الصلاة les piliers de l'islam de l'islam الصلاة الزكاة الحج الصوم c'est ça les piliers les 5 piliers alors la foi il a 6 piliers alors le jour dernier c'est l'un des six piliers de l'Iman. De l'Iman plutôt que la foi, parce que le mot foi, il traîne derrière lui ce qui est beaucoup de choses. Quoi. Donc il vaut mieux utiliser le mot Iman. Il faut utiliser un langage. Il faut utiliser le langage du salaf. Parce que chaque secte, il a son propre langage. Et nous qui suivons le prophète et les compagnons, on a notre propre langage. On dit iman, on dit islam, on dit tawhid, on dit wala wa bara, on dit uluhiya, on dit aqida, on dit les termes qu'ont utilisés les quatre écoles, les termes qu'ont utilisés ceux qui ont suivi, les ont suivis dans les bonnes œuvres, d'accord? Les grands savants. Nous on utilise parce que ça fait partie de l'alliance, si vous voulez, intellectuelle. Parce que l'alliance, ça peut être de plusieurs degrés, intellectuel, avec l'arme, avec beaucoup de choses. Les aider avec l'argent, les aider. Et même dans le fiqh, dans la culture, tu dois avoir leur langage à eux. Les soufis, ils ont leur propre langage. D'accord? Ils ont le fana, ils ont wahdat al-wujud, le dogme du monisme, ils ont l'yaqin, ils augmentent, tu parles toujours du yaqin. De toute façon, ils ont leur propre langage. Nous, qui ont suivi le prophète et les compagnons, nous, on a notre propre langage. C'est l'un des six piliers de l'Iman. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, élevé soit-il, il relie souvent entre quoi? Entre la croyance en Allah et la croyance au jour dernier. Yu'minuna billahi wal-yawm al-akhir. Ça se répète beaucoup quand vous lisez le Coran. Croire en Allah et au jour dernier. Croire en Allah et au jour dernier. Ne crois pas en Allah et ne crois pas au jour dernier. Quand il parle des mécréants, quand il parle des hypocrites. Il relie toujours. Pourquoi? Pourquoi cette liaison? Parce que celui qui ne croit pas au jour dernier, il ne peut pas croire en Allah, donc il ne fait pas ce qu'Allah lui a demandé de faire, et il ne fait pas ce qu'Allah, il évite pas ce qu'Allah lui a déconseillé de faire, il va pas, il n'est pas obligé de confirmer les informations. Quand Allah lui parle d'ange, il s'en fout. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec eux? Il n'y a pas de jour dernier, puisqu'il ne va pas être jugé. À quoi ça va servir? À quoi ça va servir ce Coran-là? S'il ne croit pas, il ne croit pas. Donc à quoi ça sert qu'il fait des œuvres? Il tue tout le monde, lui, de toute façon, il n'y a pas... La fin, c'est quoi? C'est poussière pour lui. Donc il y a toujours cette liaison entre... Il y a toujours cette liaison entre la croyance à Allah et la croyance au jour dernier. Et quand on fait les œuvres, c'est par crainte et espoir. Crainte du châtiment et espoir du paradis. On ne fait pas comme les soufismes, je l'aime parce que je l'aime. Même si tu me mets en enfer, je t'aime. Tu vois où il dévie? D'accord? Non, j'aime pour que tu m'aides, je t'aime pour que tu me mettes au paradis. Je me rapproche de toi et en même temps j'espère ton paradis. Yad'una rabbahum tadarru'an wad'uhu khawfan wa tama'a. Invoquer Allah avec crainte et espoir. Allah il le dit qu'il faut l'invoquer avec crainte, crainte du châtiment, du feu et espoir du paradis. Toujours la personne, il est entre ces deux-là. Il a un amour bien précis qui se manifeste avec les bonnes œuvres. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous croyez, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Et c'est cet amour qu'aime Allah. Allah il a dit si vous l'aimez vraiment, vous suivez son prophète. Et la personne qui ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il ne veut pas de cet amour. C'est un amour, c'est une affection. C'est un chagrin. il peut manifester, il peut dégager cette charge dans son cœur, il peut la dégager dans un poème, dans une pièce théâtrale, pour manifester qu'il aime son créateur. Mais Allah, il dépasse de cet amour. Allah, il n'a rien à voir avec cet amour. Allah, il lui a tracé son chemin, lui a dit, tu m'aimes. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, suivez le prophète. D'accord ? C'est un amour positif qui se manifeste avec des actes. Et c'est un amour quoi ? Qui a le contraire. Parce qu'Allah, il a créé le jour et la nuit. Hein? Le noir et le blanc. Il a créé l'adad. Il a créé la mécréance et la croyance. Et il nous a dit, aimez ce que j'aime et détestez ce que je déteste. Donc, l'amour pour Allah, de détester pour Allah et d'aimer pour Allah et de l'adorer suivant son prophète. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا تَصَرَّتُهُ عَلَيْهِ. La chose qui me rapproche, la chose qui rapproche mon esclave vers moi, Allah il dit, la chose que j'aime, qui fait que mon esclave il se rapproche de moi, la chose que j'aime, c'est qu'il se rapproche de moi avec les bonnes œuvres. C'est qu'il se rapproche de moi avec ce que j'ai obligé d'avoir. J'ai obligé de faire la prière, je l'ai obligé de faire le zakat. Donc, c'est d'abord les piliers, de l'adorer avec les fara'id. Bimaftaratu alayh. La prière, c'est bon. D'abord la prière. Et après, tu fais le surrogatoire. Tu ne dors pas toute la nuit pour faire qiyam al-layl et tu te réveilles au lever du soleil. D'accord ? Allah, il aime que si. Tu dors la nuit, mais tu te réveilles tôt. Alors que si tu dors, tu fais qiyam al-layl toute la nuit, et le fajr, tu ne te réveilles pas, ça veut dire que tu es loin d'Allah. C'est que tu ne t'approches pas d'Allah de la façon qu'il veut, lui. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Parce que les gens, ils ont tendance à négliger des choses qui sont obligatoires et de donner de l'importance à des choses qui n'ont pas de valeur. Au contraire, ils adorent Allah avec des innovations. Ils insistent sur des tasbihs toute la nuit alors qu'ils ne font pas cette prière à l'heure. D'accord ? Et alors que c'est mieux même de faire qiyam al-layl et en même temps faire le fajr, alors tu as ajouté le fard et tu as ajouté le surrogatoire, tu t'approches plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est cet amour-là que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte et l'espoir, on a parlé de crainte et espoir. Et la personne, il est toujours entre ça. Je vais faire un péché. J'ai la crainte, mon cœur, il réagit, il bouge, j'évite. Donc j'adore Allah. La crainte, cette crainte-là, c'est une adoration. Tu es récompensé parce que tu as craigné Allah. Tu as craint Allah. Hein? Je fais des bonnes œuvres. Je me rapproche d'Allah parce que j'espère son paradis. J'ai l'espoir. Donc la personne est toujours en. Mais de l'aimer parce que je l'ai, de l'aimer pour l'amour et moi et lui en forme qu'un. Hein, le dogme du soufi, Allah ne veut pas de cet amour. D'accord ? C'est une déviation de l'amour. C'est-à-dire, même les actes du cœur, en toi, même le terme acte du cœur, regardez, même amal al-qalb, on a parlé de amal al-qalb, acte du cœur, et je n'ai pas des sentiments. Parce que sentiments, ils traînent derrière ce qu'ils traînent. D'accord ? Al-ilm, ils disent, al-alfadu qawalibu lil-ma'ani. Les paroles sont des supports de sens et de signification. Le terme sentiment, il porte quoi ? Le poétique, le romantisme, il porte ce qu'il porte. D'accord ? Alors on évite. C'est ça, al-sunnah. En fait, on éduque et en même temps, on filtre. On filtre la sunnah de tout ce qui la touche, l'entache. Y compris les actes que les paroles. Y compris les paroles et les actes. Quelqu'un, il rentre une parole qui entache ce qu'il y a derrière et porte derrière ce qu'elle porte derrière, des dangers, nous on l'évite. On n'utilise pas terme sentiment. On utilise acte du cœur. Parce que acte du cœur, il se manifeste toujours par l'acte du corps. D'accord ? Le sentiment, il peut pas se. C'est pas obligé qu'il se manifeste par un acte extérieur. D'accord ? Alors que l'acte du cœur. Directement la réaction. Tu aimes Allah, tu t'approches de lui. Tu as l'espoir au paradis. Tu le crains, tu t'éloignes de péché. Donc on parle toujours de l'amal al-qalb, amal al-jawarih. Al-iman wa amal, qawl wa amal. Parole et acte. La foi, l'iman et les paroles et actes. Qawl al-qalbi wa al-lisan, wa amal al-qalbi wa al-jawarih. Voilà la définition de al-sunnah. On n'utilise pas d'autres termes. D'accord ? On n'utilise pas d'autres termes. Donc pas de termes sentiment. pas de terme romantisme, pas de, non, acte du cœur plutôt, c'est mieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il relie souvent entre la croyance en lui et la croyance au jour dernier, parce que celui qui ne croit pas au jour dernier ne peut pas croire en Allah, parce que celui qui ne croit pas, bien sûr, il ne peut pas faire des actions, ne peut pas faire des œuvres qui peuvent le rapprocher d'Allah. À quoi ça sert s'il est pas, il ne va pas être récompensé, il va se dire ça, ça ne va pas le pousser. D'accord? Ça ne va pas le pousser à faire des actes puisqu'il ne sera pas récompensé. Et il est évident que l'être humain ne fait des bonnes œuvres que parce qu'il espère et a l'espoir d'être honoré et le jour dernier, la crainte de subir le châtiment. Non. Et s'il ne croit pas, il devient comme celui dont dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit dans sourate 45, verset 24, et ils dirent, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. Zan, toujours dans des doutes, des hypothèses. Toute sa vie il est dans le doute quand il ne croit pas au jour dernier. Ah, peut-être que c'est ça, tel philosophe il a dit ça, tel philosophe a dit ça. Le jour dernier, on l'a nommé ainsi parce qu'il n'y a pas de jour qui vient après. C'est la dernière étape. C'est la dernière étape de l'être humain. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé Al-Yawm al-Akhir, le jour dernier. C'est la fin des étapes où va passer l'être humain. Donc, il y a 5 étapes. Avant, on a parlé des 5 relations entre l'âme et le corps. Aujourd'hui, je parle des 5 étapes où va passer l'être humain. Il passe d'abord par quoi? Par l'étape où il n'était rien du tout. Il était poussière. Hein, d'accord? Marhalatul adab. La première étape, comptez avec moi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose, il n'était même pas une chose mentionnable. Il était rien avant. Et dans une autre sourate, ô homme, la sourate 22, verset 5, ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, et c'est nous, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon, normalement formé, aussi bien qu'informe. Pour vous montrer notre omnipotence, et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un temps fixé, puis nous vous en sortirons à l'état de bébé, puis pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Donc c'est les étapes où passe l'être humain, l'homme. Comment il était poussière, puis une goutte de sperme, puis c'était une fécondation, un œuf, d'accord? Un œuf, puis l'œuf il commence à se segmenter, l'œuf il commence à se diviser, suivez-moi, l'œuf il commence à se diviser, puis il y a des cellules embryonnaires qui vont garder le caractère embryonnaire, les autres cellules vont donner des tissus, puis les tissus vont donner des organes, etc., etc., dans le domaine de la biologie, mais ça c'est un défi. Le verset il parle exactement, il est conforme à ce que les biologistes ont découvert. Subhanallah. Ça c'est un miracle du Coran. Donc ça c'est la première étape. Il était rien, il était poussière. Il était rien. L'adam, marhalatul adam. Ça c'est une classification faite par les grands savants. Hein. L'étape de la grossesse. Marhalatul Haml. Allah a dit, il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création dans 3 ténèbres. Yakhluqukum fi butun ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. C'est-à-dire le ventre, la matrice et le placenta. Le ventre, la matrice et le placenta. Donc 3 ténèbres. Donc ça, c'est une création. C'est les étapes où passe l'embryon dans le ventre de sa mère. Donc c'est une étape qui va passer et une étape où bien sûr un ange il va insuffler l'âme et il va écrire est-ce qu'il va vivre heureux, malheureux, etc., etc. D'accord? C'est une étape de la grossesse. Et puis après, la troisième étape, c'est l'étape de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux, les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants. Allah akhrajakum min butoni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dans sourate An-Nahl, verset 78. Donc à toi d'orienter cette vue, à toi d'orienter cette ouïe qu'Allah t'a donnée, à toi d'orienter ces actes du cœur, hein, ton cœur, à toi de l'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a donné l'ouïe, tu dois recevoir l'information d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas d'un philosophe ni d'une chaîne de télé ni d'un livre plein d'ambiguïté. Tu reçois l'information d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu la reçois, et quand tu reçois avec ton œil, quand ton œil tu la diriges dans la vénération des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, la création d'Allah, les montagnes, le ciel et tout ça, et quand cet œil, tu évites qu'il voit quelque chose de haram, qu'il voit quelque chose de mauvais, des films qui n'ont rien à voir, des films destructeurs, que tu vois le nu, tu vois des choses mauvaises, toi tu dois orienter tes yeux vers ce qu'Allah a voulu, d'accord? Donc tes sens, tu les diriges, tu as reçu l'information d'Allah subhanahu wa ta'ala, tes sens tu les diriges dans l'adoration, donc ton cœur il va être dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Parce que tout ce que tu vois, tu es en contact avec le monde extérieur, tout ça il va vers le cœur. Si ce que tu vois, ce que tu reçois comme information est bon, ton cœur il est bon. Et il se répercute sur les actes. Dans le corps, dans l'être humain, il y a un morceau de chair. Si ce morceau de chair est bien, tout le corps va être bien. La parole va être bien, tes actes vont être bons. D'accord? Donc à toi de t'orienter dans l'adoration d'Allah. Et c'est là, le bonheur et le malheur, ils dépendent de ces états. Surtout quand, depuis qu'on est sorti du ventre de nos mères, voyez, il n'y a pas de poussière après, il y a l'éternité. T'es créé pour l'éternité. T'es créé pour l'éternité. Il n'y a pas, ça y est, il n'y a pas de fin. Il y a une mort, un passage, puis l'éternité. T'es créé pour. À toi de méditer là-dessus. À toi de méditer. Mais si vraiment le dogme de la personne, il a ça dans son cœur, je crois, personne ne peut barrer son chemin vers son créateur. D'accord? Il ne donne pas de concession. Donc, le malheur, le bonheur, il se décide à partir de 50 ans, de 60 ans, on ne sait pas. Ça peut être demain, ça peut être le lendemain. Tu meurs l'éternité après. Et que tu meurs, ça y est, on t'informe de ton endroit au paradis ou en enfer. D'accord? On ne sait pas. Donc, c'est-à-dire 50 ans, 60 ans, tout se décide durant cette période. Parce que Allah t'a donné une volonté. Il t'a donné le choix. Et alors, tout se décide durant cette période. Faire l'effort pour apprendre et faire l'effort dans l'adoration. Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Il a voulu que ça soit comme ça. De vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, c'est lui le puissant, le pardonneur. Il a voulu qu'on soit soumis à des épreuves. Subhana. Il a voulu ça. Il a voulu que des créatures se prosternent devant lui avant la création de l'être humain. Il l'a voulu. Eh bien, il l'a. Il y a des anges qui ne sont pas levés du rokoa, ni du sujoud. Il a voulu. Ben, il a voulu nous créer, nous éprouver, subhanahu wa ta'ala, pour une sagesse, pour une raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Donc tout se décide durant cette période. Maintenant l'étape de ce qu'on appelle l'étape de l'barzakh. Alamul barzakh. C'est ce qu'on appelle alamul barzakh. Le monde de la tombe. Le monde de la tombe. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et le barzakh, le terme comme il est utilisé dans la sunna, dans le Coran, je vais vous dire le verset du Coran, dans Sourate al-Mu'minun, le barzakh c'est l'étape entre la mort et la résurrection. C'est-à-dire quand on serait mort, entre la mort et quand on serait ressuscité. Cette étape-là, cette étape de la tombe, on l'appelle al-barzakh. Pourquoi? Parce que le barzakh, c'est le firmament, c'est une barrière. Maraj al-Bahrain yaltaqiyan, baynahuma barzakhun la yabghiyan. Deux mers qui se rencontrent, mais il y a une barrière entre eux, entre ces deux plages, ou entre ces deux mers, quoi. Chacun il garde sa salinité, sa température, sa faune et sa flore, et l'autre mer, comme la rencontre entre l'Atlantique et la Méditerranée, il y a une barrière. La Méditerranée, elle garde sa salinité, sa température, sa physico-chimie, etc. Et l'Atlantique aussi. Donc c'est une barrière. Nous, entre la vie et la mort, la mort et la grande résurrection, quand on serait ressuscité, cette période on appelle Al-Barzakh. C'est un firmament, c'est une barrière. Donc c'est dans l'au-delà. L'au-delà qui n'obéit pas aux lois d'ici-bas. L'au-delà qui n'obéit pas aux lois d'attraction universelle, c'est un autre monde. Il n'obéit pas à ces choses où on vit ici, aux normes d'ici-bas. Hein, d'accord? C'est l'au-delà. Il n'obéit pas aux normes où on vit ici. D'accord? On ne peut pas mettre ça en équation et on ne peut pas recourir à des analogies. Tout ce qu'Allah nous a informé des choses, on les prend. Et on ne peut pas sortir des choses de notre cerveau et mettre des hypothèses. Non, c'est l'au-delà, on reçoit l'information du créateur de l'au-delà. À partir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Sunna et le Coran. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Subhanahu, il dit, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux, ce jour-là, ils ne se poseront pas de questions. Donc, la mort, la personne, Inch'Allah qu'on ne soit pas comme cette personne qui dit, fais-moi revenir, parce qu'il veut se rattraper, il est dans une situation grave, mais là, il a passé l'étape, il a passé la barrière, il est dans l'au-delà, ça y est. Il va dire, mon Seigneur, fais-moi revenir. Afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. J'avais de l'argent, j'avais beaucoup de choses, j'avais beaucoup de connaissances, j'ai pas propagé, j'avais de l'argent, j'ai pas utilisé pour Allah subhanahu wa ta'ala, j'avais des terres, j'avais ça, je les ai pas utilisées dans l'adoration, j'ai trahi des gens, j'ai fait ça, est-ce que je peux me rattraper? Trop tard. Afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Il a dit ça. Ça n'a aucune valeur cette parole. Ça n'a aucune incidence. Ça y est, il est dans l'autre monde. Une parole qu'il dit, derrière eux cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc cette barrière, il est prolongé jusqu'au jour où il sera ressuscité. Et là, l'étape qui vient, puis on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté. Là, c'est la résurrection. Donc c'est une étape qui passe de la mort jusqu'à la résurrection. نعم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ c'est le برزخ dont on a parlé برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون dans سورة المؤمنون donc ça l'étape de la tombe, l'étape de l'barzakh. La cinquième étape, c'est l'étape de la résurrection. Marhalat al-akhirah. C'est la fin des étapes. C'est la plus complète. غاية المراحل ونهاية الراحل. La fin du voyage. Voyez. D'accord. Et la plus importante, elle est la plus importante parce que l'âme et le corps, ils ont la plus grande relation. Quand il vivra le bonheur, il le vivra. C'est un bonheur qui n'a pas de. Il est incomparable avec ce qu'on vit sur cette terre. Et quand c'est le malheur, c'est un malheur incomparable. C'est une souffrance du corps et c'est une souffrance de l'âme. D'accord ? C'est la grande souffrance de l'âme et du corps. C'est d'autres normes, c'est la plus complète des états. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et après cela, mourrez. Bon, ça c'est la mort. Et puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscité. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, thumma innakum yawma al-qiyamati sub'athun. Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans Sourate al-Mu'minun. C'est même la suite de ce qu'on a dit. Ibn Taymiyyah maintenant. Je continue la parole d'Ibn Taymiyyah. Qala rahimahullah, al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mimma yakunu ba'da al-maut. C'est-à-dire, l'auteur il a dit, il faut croire au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce qui arrivera après la mort. D'accord ? Ce qui arrivera après. Le message il vient de qui ? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Message authentique. Quand il s'agit d'un hadith authentique. D'accord ? Parce qu'on a tendance à propager des choses, surtout concernant le jour dernier, des mensonges. Y compris le long hadith où il dit que celui qui délaisse la prière, il subira 15 grands châtiments, 5 sur terre, 5 dans la tombe et 5 dans l'au-delà. Concernant la tombe, il a dit qu'il y aura un serpent qui va l'étrangler, le sujet, l'akra, etc. C'est un long hadith. Il est dans le livre de Zahabi dans le Kaba'ir, mais c'est un hadith, les ulama ils ont jugé qu'il sait pas que ce n'est pas un hadith authentique. Que ce n'est pas un hadith authentique. Et le problème, c'est que les gens ils distribuent ça et des gens ils les collent chez eux. Et le hadith, il n'est pas authentique. Donc on reçoit le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il s'agit du châtiment de la tombe, quand il s'agit du bonheur de la tombe, c'est des hadiths qui sont authentiques. D'accord ? Donc il faut être sûr de l'information. Donc, كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. وذلك إذا لأن الإنسان إذا مات دخل في اليوم الآخر. La personne quand il meurt, ça y est, il rentre dans le jour dernier. Il rentre, ça y est. C'est notre monde, c'est une autre épreuve, c'est d'autres normes. D'accord ? Il passe par la mort et ça y est, il est dans un autre monde. Mais maintenant, Hamad Qiyamata. Ça y est, tout s'arrête, ses œuvres, il s'arrête. À moins s'il délaisse un enfant qui invoque Allah pour lui, un enfant qui est bien, il a bien éduqué, ou bien qu'il a bâti une mosquée, ou il a fait quelque chose, et c'est pas une mosquée qui est créée pour. Qui est bâti. Utilisé, non ? C'est pas bâti. Tu as dit bâti. Bâti. Alors, excusez-moi si il manque de la langue. Bâti une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça, c'est pas pour faire une concurrence avec une autre mosquée pour la casser, pour propager une ambiguïté. C'est-à-dire, il a fait une mosquée pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien une école où les jeunes, ils apprennent le Coran et la Sunna, ils apprennent leur religion. C'est-à-dire, quelque chose. S'il délaisse ça, Allah, il le récompense, même s'il est dans l'autre monde. Parce que plus eux, ils apprennent, plus lui, il reçoit encore. Il reçoit la récompense. Et on écrit ce qu'ils ont fait et leurs traces. Ils ont laissé derrière eux. Ils ont éduqué leurs enfants. Leurs enfants, ils invoquent Allah pour eux. Ils ont laissé derrière eux des bonnes œuvres, des mosquées et des écoles. Ils ont laissé derrière eux une science qui fait qu'ils protègent la personne du feu. Une science qui dirige la personne vers la bonne voie. Comme le Bukhari et tout, maintenant on lit. Rawal Imam al-Bukhari, il reçoit direct la récompense. On est sûr qu'il la reçoit. Voilà. Subhanallah. Et tout ceci fait partie du jour dernier, c'est-à-dire directement après la mort. Et car quand le fils d'Adam meurt, il rentre dans le jour dernier. On dit celui qui meurt, sa qiyama est établie, ça y est, c'est instauré. Et tout ce qui se passe après la mort fait partie du jour dernier. Donc, il faut remarquer comment le jour dernier, il est proche. Il est proche. La mort passage, le passage dans le dehors, subhanallah. Il y a entre toi et le jour dernier que la mort. Tu vois? Là, quand à la fin du monde, ça, on ne sait pas. Mais entre toi et le jour dernier, entre ce monde-là, il n'y a que la mort entre toi. Subhanallah. Donc à la personne de concourir pour faire de bonnes œuvres. Parce que combien ils sont couchés sur leur lit confortable, ben ils se sont trouvés sur le lit en train de faire leur faire le rosle pour qu'ils soient mis dans un linceul et pour qu'on fait la prière sur eux. D'accord? Plusieurs gens, ils étaient assis comme ça, ils sont morts, ils se retrouvaient assis devant les deux anges. Comme un clin d'œil, comme ça, passage. Subhanallah. Il y a pas. C'est pour ça que le musulman, il n'a pas cette notion de l'avenir, les projets et tout. Qu'est-ce que l'amel? Si tu te couches, tu ne sais pas, tu n'attends pas le lendemain. Ben, tu sais de dormir avec les ablutions, avec les invocations. Le matin, tu t'es réveillé, tu dis Alhamdulillah et tout. Alhamdulillah, ladhi afani bi jasadi wa radda ilayya rohi wa adina li bi zikra. Et tu n'attends pas la fin de la journée. Donc, c'est un conseil qu'a dit le professeur à Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar l'a dit, depuis que j'ai entendu ça, ça y est, j'ai écrit mon testament, il ne quitte pas mon oreiller. S'il a fait quelque chose, s'il a emprunté de l'argent, il marque ça dans une feuille et tout, parce qu'il ne sait pas dans le delà ce qui va se passer. Qawlu, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qawlu fa yu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adabil qabri wa na'imi. Les gens de la sunna et le jama'a, ils croient à l'épreuve de la tombe, fitnatil qabr, la tentation de la tombe, si vous voulez, l'épreuve de la tombe, au châtiment et à la félicité de la tombe. Imma adab wa imma na'im. Il y a soit le châtiment, soit la félicité, le bonheur. Donc la fitna, c'est quoi? C'est l'examen, c'est l'épreuve. La personne va être mise à l'épreuve. Et quand on demande aux morts à propos de son adoré, à propos de sa religion et son prophète. Donc on y croit. On a une croyance parce qu'il y en a des gens qui ont douté là-dessus, tels les Mu'tazilites. Ils n'ont pas cru parce que ça rentre pas dans leur cerveau. Ils n'arrivent pas à concevoir que quand on met une personne dans une tombe et que cette tombe il s'ouvre, elle est large, et qu'il voit son endroit au paradis, son endroit en enfer, et que les anges viennent et tout. Lui, il a mis ça en équation. Hein? Il a mis, je sais pas moi, qu'est-ce que vous allez ramener? Des trucs, des sismogrammes pour savoir est-ce qu'il y a des vibrations quand la tombe elle va s'écarter? C'est dans le delà, Allah il dit barrière, subhanallah. Il nous informe. Et nous, avec notre petit cerveau, on essaie, est-ce qu'il y a un mouvement tectonique, est-ce qu'il y a un mouvement géologique qui s'est passé, hein? Il est dans la tombe, ben, écoute, et rien ne s'est manifesté, on a mis un thermomètre, rien ne s'est manifesté. Mais c'est dans le delà. Nous, on est convaincus. Si quelqu'un, on le jette dans une lave, 3000 degrés, la lave du volcan, 3000. Il devient. C'est le fer et l'air, ils font à 3000 degrés. C'est le degré de la combustion, c'est le degré de la fusion du fer. Ben, l'être humain, comment il va devenir? S'il est musulman, s'il est des proches d'Allah, on est sûr qu'il va vivre le bonheur. S'il est mécréant, on est sûr qu'il va vivre le s'il est mécréant, on est sûr, Allah nous a informé, notre prophète nous a informé qu'il subira le châtiment. De la tombe. D'accord? On va éclaircir. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, concernant cette épreuve, Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. D'accord? Ceci dans quoi? C'est dans l'épreuve de la tombe. Comme c'est confirmé dans un hadith de Bukhari, de façon un long hadith de Bara ibn Azib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé comment le châtiment de la tombe, comment la personne, quand il est en coupure avec ici-bas, il est en rapport avec l'au-delà, qu'est-ce qui lui arrive et tout. D'accord? De toute façon, s'il nous reste du temps, on va en parler, mais je vais accélérer un peu, je vais continuer. Dans la Sunna, il y a beaucoup de preuves. De toute façon, il y a ce hadith, hadith du Bukhari numéro 4699, et Muslim, le numéro du hadith 2871. Dans la Sunna, il y a d'autres preuves aussi. Le professeur Aslam l'a dit, il m'a été révélé que vous allez être mis à l'épreuve dans vos tombes, une épreuve qui ressemble à celle de l'Antéchrist, à celle de Masih al-Dajjal. C'est-à-dire, la personne, s'il n'est pas affirmé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grande épreuve. D'accord ? Donc, c'est une tentation qui est assez grave. C'est pour ça que la personne doit toujours se renforcer, se ressourcer, essayer de connaître l'unicité d'Allah, essayer de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, essayer de comprendre sa religion comme il le faut. Il fait l'effort plus qu'il fait l'effort quand il cherche du travail ou quoi que ce soit. C'est ça qu'Allah veut. Il veut que tout soit au-dessus de tous les problèmes de la vie. Lui d'abord. D'accord ? Il faut chercher à comprendre, il faut chercher à l'adorer comme il veut, lui subhanahu wa ta'ala. Pour qu'on mérite le paradis. Naam. Donc c'est un hadith numéro 184 de Bukhari et Muslim, hadith numéro 905. C'est un hadith d'après Asma radiallahu anha, que le professeur sallam il a dit, il m'a été révélé que vous allez être mis dans vos tombes à une épreuve qui ressemble à celle de l'Antéchrist. Donc la fitna, tout le monde sait que c'est une grande fitna de l'Antéchrist, de Masih al-Dajjal, depuis qu'Allah a créé Adam jusqu'au jour dernier. C'est-à-dire c'est la plus grande. Depuis qu'Allah a créé Adam jusqu'au jour dernier, la plus grande épreuve où vont être soumis les gens, c'est celle de l'Antéchrist. D'accord ? Depuis qu'Allah a créé Adam. Et comme c'est rapporté par Sahih al-Muslim, selon Imran ibn Hussein, qui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Imran ibn Hussein radiallahu anhu, qui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, entre la création de Adam et le jour dernier, il n'y a pas de plus grande tentation, il n'y a pas de plus grande épreuve que celle de l'Antéchrist, rapporté par Muslim sous le numéro de 1946. Ma bayna khalqi Adam ila qiyami sa'a, ma bayna khalqi Adam ila qiyami sa'a amrun akbarun min ad-dajjal. C'est pour ça que tous les prophètes, presque tous, beaucoup de prophètes, ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils protègent leur communauté du Dajjal. Selon Anas, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il n'est pas un seul prophète qui n'ait pas prévenu sa communauté entre le borne menteur, Ad-Dajjal al-A'wa. Notez bien qu'il est borne, alors que votre Seigneur glorifié et honoré ne l'est pas. Il portera écrit entre ses deux yeux Kafara. Il a mis cru. C'est-à-dire entre les deux yeux de Dajjal, il est écrit Kafara, mais c'est pas n'importe qui va le voir. Bien sûr, le croyant, quand il atteint un degré de croyance, dans les visages, il reconnaît les gens. D'accord ? Vous le sentez, vous voyez des fois quand vous êtes dans vous faites la prière, votre qiyam al-layl, vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala, puis quelqu'un du groupe, il se détourne. Tu vois son visage, il a noirci. Jusqu'au point où on demande aux autres, ils disent, pourquoi il a noirci son visage? L'autre, il dit, moi, j'ai rien vu. Depuis toujours, il est comme ça. Il n'a pas grossi, il n'a pas maigri, il est pareil. Hein? D'accord. Mais toi, tu vois, Allah, il te donne des choses que tu vois que les autres ne voient pas. Et c'est ça. Les croyants, ils vont voir ça. Ils vont voir qu'il est écrit entre ses deux yeux Kafara. Ma min nabiyin, qala sallallahu alayhi wa sallam, ma min nabiyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kazzab, ala innahu a'war. Il a répété le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, regarde en français, il n'est pas un seul prophète qui n'ait pas prévenu sa communauté entre le borne menteur. Notez bien qu'il est borne. Hein? Ala innahu a'war. Et votre Seigneur, glorifié, honoré, ne l'est pas. Il ne l'est pas, ça veut dire que c'est un attribut de quoi? Un attribut de négation. Hein? On nie tout ce qui touche à l'imperfection. On nie tous les attributs de l'imperfection. D'accord? Concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas. Tout comme l'am yalid ou l'am yulad. Il n'est pas engendré. Il n'a pas engendré. لم يكن له كفوا احد نيل نغصنب لمي ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الامثال فلا تتخذوا لله اندادا فلا تجعلوا لله اندادا C'est-à-dire, c'est des attributs de négation. Négation, négation qu'il a fait, négation qu'il a engendré, négation qu'il s'est fatigué le septième jour quand il a créé les cieux et la terre, comme disent les juifs. Négation de beaucoup. Négation qu'il soit. Bon. D'accord ? Allah, il n'a pas comme l'aise avec Aou, comme a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est une grande épreuve. Et même maintenant, concernant Dajjal, concernant l'Antéchrist, il y a des sectes qui propage le fait que des jeunes, l'Antéchrist, c'est pas un être humain, c'est pas une personne, mais c'est un événement de société. Et ça, c'est dangereux. Ça, de propager ce genre de choses, c'est dangereux. C'est dangereux parce que ça touche les signes du jour dernier et ça touche le cinquième ou l'un des piliers de la croix. C'est-à-dire, si il te rentre une ambiguïté de ce point de vue, de ce point-là, ils peuvent écrouler ta croix. Et là, tu n'as pas la vraie croyance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voie qu'on suivit. D'accord ? Donc, ils vont te faire douter là-dessus, ils vont te dire, déjà, de toute façon, c'est un événement de société, c'est ça, c'est un quoi ? Un phénomène, hein, d'accord ? Un phénomène de société et tout. Ils vont l'expliquer comme ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous le décrit. Il dit borne, c'est-à-dire un œil, il ne voit pas d'un œil. Borne, et borne, c'est une description de quoi? D'un événement, d'un phénomène de société? Voilà, quand on divise de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la voix des compagnons, on essaie d'expliquer les textes coraniques, on essaie d'expliquer la sunna. C'est pas suivant qu'ils l'ont expliqué eux, mais suivant nos goûts. C'est parce qu'on est tenté maintenant, on est proche de l'an 2000, donc on essaie de tordre le cou des textes pour qu'ils soient conformes à nos passions. Hein. Donc, l'Antéchrist, c'est une personne. Des savants le disent, le ulama le dit. La preuve, c'est que Isa ibn Maryam, alayhi salatu wa salam, il va le tuer. D'accord ? Donc les descriptions qui sont dans la sunna. Alors là on jette le Bukhari carrément, on jette Kitab al-Fitan dans le livre des tentations de Imam Bukhari, on le jette derrière nos dos maintenant. Voilà. Donc c'est une grande épreuve parce que l'homme ne peut répondre aux questions. Déjà les questions, là on parle, on revient, l'épreuve de la tombe qui ressemble à l'épreuve du Dajjal. Parce que la personne, s'il n'a pas, regarde ça. Subhanallah, c'est pour ça que nous, s'il n'a pas un dogme, s'il n'est pas basé sur un dogme solide, comment il va répondre sur les questions? Comment, quand on va lui dire quel est ton Seigneur? S'il adore les temples, il va être dans une situation grave. S'il adore les chouyours, s'il adore son patron puisqu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il obéit aux lois d'autres dans la désobéissance d'Allah, et il les aide, il les finance, son cœur il est accroché à eux, comment il va être? Comment Allah subhanahu wa ta'ala va l'infirmir quand il sera dans une situation pareille? Et notre prophète, il dit qu'il a une tentation qui ressemble à la tentation du Messie Dajjal. Tous les prophètes, subhanallah, depuis Adam alayhi salatu wa salam, Adam, tous ils ont propagé l'unicité, parce que c'est l'important. Pour répondre à ces questions-là, « Ma rabbuk, ma dinuk, ma hadha rajulu alladhi bu'itha fikum » Il faut connaître. Il faut souffrir pour comprendre votre religion, subhanallah. D'accord ? Je ne dis pas ça pour agrandir la chose, parce que l'unicité, c'est tellement facile. Elle est simple, notre religion, elle est simple. Je dis ça, vous sentez la chose, elle est grande, parce que il y a les innovateurs et les meneurs d'égarement, ils ont lancé des ambiguïtés dessus, ce qui a brouillé la bonne voie. C'est pour ça que maintenant, il faut filtrer, il faut beaucoup d'efforts, pour la rendre pure, pour la rendre simple comme elle était au début, parce qu'elle est simple. Simple. Hein? La dépoussiérée. Tasfiya. Elle est simple. Normalement, elle est conforme à la prime nature de la personne. Mais les meneurs d'égarement, ils essaient de vous enfoncer. C'est ça qui a compliqué les choses. Mais la religion de l'islam, elle est simple. Ne n'adorez qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Adressez l'amour à lui, suivre son prophète. Alhamdulillah, tu seras sauvé. Mais c'est les ambiguïtés Mais l'être humain, il est toujours soumis à l'épreuve. Mais s'il suit, il suit la bonne voie, il est toujours soumis à Allah, il est toujours soumis à la vérité, chaque fois qu'il y a un texte authentique et tout, et qu'il se soumet. D'accord ? La religion, elle est facile, alors, elle est simple, simple. Quand on apprend, on prend petit à petit. On ne cherche pas des livres. C'est les gens même, ils compliquent sur eux. Ils disent l'islam, il est très compliqué, ils achètent des livres qui sont gros comme ça. Qu'est-ce que tu vas comprendre ? Un livre gros comme ça. Moi, je te dis, j'ai tout ça. Et prends le Coran. Un livre, l'âme, mais tu ne comprends pas, insiste. N'essaie pas d'insister pour comprendre les lettres. Voilà ce que je te dis. Le premier pas que tu dois faire. Et petit à petit, tu comprends, on essaie d'étudier l'unicité. Facile, qu'Allah est le créateur et qu'il mérite qu'on l'adore. C'est petit à petit. Facile. Mais là, quand tu reçois, quand il y a un livre qui a 500 feuilles ou 500 pages, et tu remplis de tout ce bagage, et je vous ai dit l'information, tu la reçois d'Allah, toi tu la reçois d'un innovateur ou d'un ennemi de l'islam, il est dur qu'on l'enlève après. T'as souffert pour lire 500 pages. Tu ne veux pas s'en détacher. T'as souffert pour apprendre une fausse religion. On t'a rentré dans une école, t'as fait des efforts, t'as financé, t'as donné de l'argent, t'as transpiré, et après il y a un qui dit, écoute, c'est pas la bonne voie. Toi, t'as choisi la mauvaise voie depuis le début, compliqué. Tu ne vas pas l'accepter. Le cœur est noirci à cause des ambiguïtés. D'accord ? Prenez-la simple comme elle est. Hein ? J'apprends ma langue, j'apprends de lire Al-Fatiha, j'apprends les sourates, et j'essaie de comprendre avec des preuves. Il n'y a que l'information qui vient d'Allah. Quand je dis une parole, mon frère, donne-moi la preuve. Facile. Quand c'est quelque chose, il est très ambigu, il touche les choses les plus délicates dans le dogme, ben, maintenant je ne suis pas capable. On a demandé au savant, il nous a donné de retenir cette phrase. Maintenant. Quand j'avance, je peux discuter là-dessus. Mais là, je connais pas ma religion, je commence à débattre, ça risque de noircir le cœur. Donc, فأما الفتنة يقول ابن تيمية رحمه الله فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. Les hommes en effet sont mis à l'épreuve dans leur tombe. Là, العثيمين رحمه الله رحمه حيا أو ميتا. Il a dit dans l'explication que l'auteur, il a dit les hommes. Il a dit les hommes en effet sont mis à l'épreuve. C'est-à-dire il a généralisé. Mais d'après ce qu'a dit l'auteur, que tout, y compris les prophètes, les véridiques, les martyrs, les gardiens dans Fisabilillah, les non assujettés, réels mukallafin parmi les enfants et les fous, ceux-là aussi, ils rentrent dans parce que Ibn Taymiyyah il a dit les hommes, mais il a pas sorti, il a dit les hommes en général, mais il faut qu'on détaille ça, sa parole il faut qu'on la détaille, d'accord? Ibn Taymiyyah il a dit les hommes, ils vont subir l'épreuve de la tombe. Là, le savant, il nous détaille la chose. Il dit non, c'est pas général, on va détailler. Il détaille. Bon, il dit, premièrement, il faut sortir qui ? On sort les prophètes. Ils ne vont pas subir l'épreuve de la tombe. Donc, ça sort, c'est une particularité. C'est ce qu'on sort, tout sauf ces gens-là. Hein? C'est des cas particuliers. De toute façon, il sort de la règle, il sort de la généralité des gens qui vont subir l'épreuve de la tombe, il sort les prophètes. Les prophètes, ils vont subir l'épreuve de la tombe. Quand on demande à quelqu'un, le mort, les anges, quand ils vont venir, ils vont lui parler de qui? Ils vont lui demander qui? Qui est-on? Les prophètes, on demande à propos d'eux, mais on ne leur demande pas. D'accord? C'est des modèles. Il n'y a pas besoin de... C'est le modèle, il est... Oui, il est privilégié. Ils ne seront pas touchés par les prophètes. Parce que les prophètes sont mieux que les martyrs, de toute façon, parce que déjà les martyrs, ils ne sont pas touchés. Et parce qu'on leur demande, on ne leur demande pas, parce qu'on demande les gens à leur propos. Le professeur Aslam a dit, il m'a été révélé que vous allez subir l'épreuve de la tombe. C'est-à-dire, lui, il nous informe, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous informe de ça, et il nous dit qu'on va subir les... C'est-à-dire, lui, il sort de cette règle. Et on va demander les gens, concernant notre prophète, est-ce qu'il a suivi ou est-ce qu'il n'a pas suivi. Donc, il ne fait pas partie. les prophètes, ils ne font pas partie. Deuxièmement, les véridiques, hein, فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. Et Allah a mis les véridiques après les prophètes. Et les ulama, ils ont dit les véridiques, ils ne vont pas subir le châtiment de l'attente, puisqu'ils sont véridiques à l'origine. Ils portent le nom de véridique. Et celui qui est véridique, c'est depuis, c'est-à-dire durant toute sa vie, jusqu'à la mort, il est véridique. Et l'un des exemples des véridiques, c'est qui? C'est Abu Bakr, radiallahu anhu. Donc ces gens-là, ils ne subiront pas, et Allah les a mis directement avec les prophètes, parce que depuis qu'ils ont reçu l'information, ils ont dit, ils ont jugé que c'est vrai, et ils sont orientés dans la bonne voie, ils étaient véridiques. Ils n'ont pas menti ni dans leurs paroles, ils n'ont pas menti dans leurs actes, ils étaient véridiques. Parce que même véridique, ça peut être manifesté par l'acte. Les troisièmement, après les prophètes, les véridiques, c'est qui? C'est les martyrs. Ash-shuhada. Shuhada qui ont été tués dans le sentier d'Allah, quand il offre sa vie là, on leur demande pas, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Allah a acheté des croyants, leur personne et leurs biens, en échange du paradis, ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer, c'est une promesse authentique. D'accord? إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. C'est un pacte de vente et d'achat entre Allah, le créateur des cieux, de l'univers, et son petit esclave qui va combattre pour lui. Il dit, on va faire une affaire. Tu me donnes ton âme, vis-à-vis-là, et je te donne le paradis. Alors que l'âme, son âme à lui, il appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il a dit, il a acheté. Dans le Coran, il est évoqué. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fi at-tawrati wal-injil wal-quran wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bih. Soyez heureux de ce commerce que vous avez fait entre vous et Allah. La fin du verset. C'est bien. Dans un autre verset, est-ce que vous voulez que je vous montre un négoce ou une vente, un achat entre moi et mes créatures? Et il leur a dit, voilà, c'est que vous me donnez votre âme et moi je vous donne le paradis. D'accord? Allah, il achète, il se rapproche de son créature, de sa créature, il se rapproche de son esclave, il dit vente et achat. Et malgré ça, il y en a qui disent que ça, c'est le petit jihad. Il y a des gens qui disent ça. Ils disent ça, cet acte vente et achat entre l'esclave et son propre créateur, qui détient son âme, ça c'est le petit jihad. Se basant sur un hadith qui n'est pas sahih, il n'est pas authentique. Nous sommes revenus du petit jihad vers le grand jihad. Ils expliquent ça comment? Ils disent, bon, le petit jihad, c'est le combat avec l'âme. Et le grand jihad, ben, c'est la vie, c'est le dawa, c'est ça. C'est quand on vit avec nos femmes, c'est quand on vit avec nos enfants. Alors que c'est le contraire. Le grand jihad, c'est qu'il kufa. D'accord? Faut pas la vérité, il faut l'accepter. Pas tordre et prendre un hadith qui n'est pas authentique parce que notre cœur il refuse la vérité. C'est pas qu'on n'est pas des hommes ou les gens on est incapable de faire ça, on tord le texte pour qu'il suive nos passions. Non, c'est nous qui devons se soumettre. Oui, véridique, mais nous on n'est pas capable. On dit, mais sami'na wa ata'na. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Soumission totale. Nous avons obéi, nous avons entendu, nous avons obéi. Reste à savoir, est-ce que nous on est capable? Est-ce que nous on est à la hauteur? Nos capacités. On ne peut pas mais se soumettre devant le texte. Mais prendre le texte et le soumettre au-dessous de toi, non. D'accord? Hadith da'if. Bon. Hadith mensonger sur le prophète. Il n'a pas été par le prophète. Pourquoi on le propage? Parce qu'on n'est pas capable. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الله سبحانه وتعالى dit, ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvu. D'accord ? Ça veut dire qu'ils ne vont pas subir le châtiment de la tombe. L'épreuve, ils ne vont pas subir l'épreuve. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas qui est ton Seigneur, puisqu'il a fait ce pacte entre les chair et ventre entre ceux. Il a donné son âme, direct. Jihad al-Nafs, on parle du Jihad al-Nafs, lui il a donné Nafs entière pour Allah. Nafs avec tout il l'a donné. D'accord ? Est-ce qu'il y a plus grand ? Relation intérieure extérieure, Al-Sunnah, c'est pour ça que nous on insiste. Les Al-Sunnah al-Jama'a, ils font jamais de scission entre le monde extérieur et l'intérieur. Le cœur, il vibre toujours suivant le milieu où il vit. Nous on est dans un halakat al-dikr. La foi il monte, alhamdulillah, on est fort. D'accord ? Donc l'intérieur il monte avec l'extérieur. On est en train de parler, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de me suivre et tout. Et la foi il monte. Donc il y a toujours rapport extérieur-intérieur. D'accord ? Celui qui prend l'arme, il va jusqu'à donner son âme. Il n'y a pas de plus grand djihad intérieur. Il n'y a pas quelqu'un qui va l'égaler dans ce djihad intérieur. D'accord ? D'accord ? Ça pour répondre aux gens qui sèment les ambiguïtés. D'accord ? Quant à l'arme au corps, et que tu attends l'ennemi, et tu sais qu'il y a. Il suffit qu'il y ait un coup, ça y est, t'es mort. Tu t'approches de la mort. La foi, il ne monte pas. Tasbih ou zikr. Là, quand tu dis Allah Akbar, c'est pas comme maintenant, c'est pas quand on est dehors, on rigole, dit Allah Akbar. Mais lui, quand il est dans cet état, quand il dit Allah Akbar, tu sais où il sort. D'accord ? Il n'y a pas de grand jihad intérieur que cette personne. D'accord ? Rapport toujours intérieur, extérieur. Donc si, et là, pour montrer même, il y a une autre preuve aussi, si celui qui fait la garde, fisabilillah, s'il est mort, il ne sera pas touché par l'épreuve de la tombe. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé de ça, dans un hadith de Fadala, فضالة ابن عبيد جلدير عرب دابو عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن أو يؤمن من فتنة القبر. Hadith rapporté par Abu Daoud wa Tirmidhi. Hadith Hassan sahih. Qala fi an-Nawawi hadith Hassan sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après hadith de Fadal ibn Ubayd, il a dit, tout homme qui meurt voit son œuvre scellée, sauf celui qui monte la garde au service d'Allah. Son œuvre ne cesse de croître avant sa mort. C'est-à-dire son œuvre ne cesse de croître jusqu'au jour de la résurrection. Et il est en outre à l'abri des tentations de la tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui monte la garde, il protège ses frères contre l'ennemi, il est à l'abri des tentations de l'épreuve de la tombe. Si celui-là qui monte la garde, alors qu'en est-il de celui qui va combattre ? D'accord ? Donc, l'autre, il est vraiment privilégié. Qu'en est-il si celui qui monte la garde, s'il est protégé, s'il est à l'abri, alors celui qui expose son corps à l'ennemi, aux balles de l'ennemi, bien sûr, lui, il va être encore plus à l'abri de l'épreuve de la tombe. D'accord ? Quatrième catégorie, on a parlé premièrement les prophètes, l'anbiya, les siddiqoun, les shuhada, et les murabitoun, c'est-à-dire ceux-là, celui qui monte la garde, c'est la quatrième catégorie, et aussi les enfants et les fous. Les enfants, ils demandent toujours des questions comme ça. Ils disent, est-ce que les enfants vont rentrer en enfer ? C'est la question des enfants, ça. Ils en parlent beaucoup. Certains savants disent, ils subiront l'épreuve de la tombe. Je continue, hein. Et s'ils ne sont pas assujettis ici-bas, la mort est différente d'ici-bas. C'est-à-dire que les normes, ils diffèrent. Si l'enfant, ici-bas, il obéit à des normes, il n'est pas assujetti, on ne lui demande pas de, il y a enfin, on lui demande pas des choses qu'il peut pas faire. Hein? Il n'est pas obligé de prier à l'âge de 7 ans. Il n'est pas, c'est-à-dire s'il ne le fait pas, il n'est pas obligé. Seulement, dans le sens pour l'éduquer, on lui apprend et on le frappe à 10 ans et tout. Et il est récompensé s'il fait ça, la salat. Il est récompensé et il recevra la récompense. Mais l'éducation islamique, elle veut qu'on lui apprenne la prière à 7 ans et on le frappe à 10 ans. D'accord? Mais les ulama disent, dans l'au-delà, c'est d'autres normes. Allah, il le connaît, il connaît ce qu'il y a dans son cœur, il sait s'il va être dans la bonne voie ou dans la mauvaise voie. Mais d'autres savants, ils ont dit, les fous et les enfants ne sont pas éprouvés, ils ne vont pas subir le châtiment, ils ne vont pas subir l'épreuve, parce que l'épreuve soit un bonheur, soit un malheur. Ils ne vont pas subir l'épreuve, d'accord, parce qu'ils ne sont pas assujettis, et un homme réel mukallafi. Beaucoup de ulama, ils le disent. Ils disent qu'ils ne vont pas subir. Parce qu'ils ne sont pas assujettis. Ils sont pas, on ne leur demande pas de faire ça. Il n'est pas encore, il n'a pas atteint l'âge où il doit obéir aux lois, où il méritera le châtiment s'il ne fait pas la prière, il méritera le châtiment s'il ne fait pas les bonnes œuvres, il méritera. D'accord? Mais quand il est petit, non, on ne lui demande pas ça. D'accord? Et donc le fou. Il n'a pas de cerveau, il a pas de, donc il ne peut pas recevoir d'informations, il ne peut pas faire quoi que ce soit. Hein. Le fou, bon, il est pardonné. Donc les ulama, ils ont dit, ces gens-là, les fous et les enfants, ils ne sont pas assujettis, donc ils ne vont pas subir l'épreuve de la tombe. Seul le responsable, c'est-à-dire celui qui est assujetti, qui doit rendre des comptes, celui qui a des comptes à régler, et ceux qui ne subiront pas le châtiment de la tombe et n'auront que des récompenses. S'ils ont fait du bien, ils seront récompensés. Le Rémi dit, s'ils ont fait du bien, ils seront récompensés. Quelqu'un qui a l'âge de 8 ans et qui est mort, il ne subira pas l'épreuve. Et s'il a fait la prière à l'âge de 7 ans et 8 ans, il sera récompensé pour ce qu'il a fait. D'accord? Et le fou et le petit, même s'il fait, il ne subira pas l'épreuve. D'accord? Et l'Usaymin, il dit, il n'aura que des récompenses. C'est-à-dire, il ne sera pas châtié. Pourquoi il sera châtié? Sur une chose que lui, il est incapable de l'éviter, ou il est incapable de concevoir, il est incapable de faire la différence entre le bien et le mauvais. Le fou, il ne peut pas faire. De même l'enfant, d'accord? C'est un certain âge qu'il est assujetti pour l'enfant. Donc, les gens, alors, ils se répartissent en trois catégories. Il y a les vrais croyants, il y a les hypocrites, il y a les mécréants. Il y a trois catégories. Il y a les hypocrites, les vrais croyants et les mécréants. D'accord? Les vrais croyants et les hypocrites, ces deux, ils subiront les épreuves. Le croyant, il subira l'épreuve. D'accord? Il subira l'épreuve. Et lui, Allah va le raffermir, à part les prophètes, les martyrs, les véridiques. D'accord? C'est ces catégories-là. Non. Mais le croyant normal, il subira. Donc Allah, si les vrais croyants, Allah va le raffermir pour répondre aux questions que vont lui poser les anges. D'accord? Les hypocrites, il y a des textes là-dessus que l'hypocrite, parce qu'il a caché le coffre, il a montré l'islam, ben lui, il va dire, quand ils vont lui demander les anges, il va dire « Ah, je connais pas. Ah, la adri. » Dans un long hadith. C'est comme ça que c'est évoqué dans le hadith. « Ah, la adri. » Ils vont lui demander « Quel est ton seigneur ?»« La adri. » »« Je ne sais pas. Je ne connais pas. »« Quelle est ta religion ?»« Je ne sais pas. Quel est celui que tu... » quand t'as envoyé, je sais pas. J'ai entendu les gens dire, ils vont lui dire, est-ce que c'est Mohammed, il va dire, j'ai entendu les gens parler de lui. C'est-à-dire, il va être mis à l'épreuve, l'hypocrite, comme c'est rapporté dans le hadith. Les mécréants, les savants, ils ont divergé. D'accord? Les savants, ils divergent, est-ce qu'il va être mis à l'épreuve? Ou directement le feu? Sans question, sans rien du tout. Il rentre, l'âme, il quitte le corps, directement le feu, le châtiment. Pas de question. Il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent si, il va être soumis à l'épreuve. D'accord? Donc il y a ça. Donc il y a divergence là-dessus. D'accord? Et les autres communautés, est-ce qu'ils vont être soumis à l'épreuve? les fils d'Israël avant, les Traumad, les Tamoud, est-ce qu'ils vont être soumis à l'épreuve? Oui. Oui, puisque la meilleure des communautés, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être soumis à l'épreuve, il va subir l'épreuve, bah, alors eux aussi, ils vont, qui sont à un degré moindre, ils vont subir l'épreuve. D'accord? Je continue la parole de Ibn Taymiyyah. L'auteur a dit, dans leur tombe, hein? فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. Les hommes en effet sont mis à l'épreuve dans leur tombe. Donc dans leur tombe, c'est-à-dire là où on enterre les morts. Ce qui est voulu par cette expression tombe, le sens. Donc la tombe, c'est quoi la tombe? C'est quoi une tombe? Est-ce que la tombe c'est l'endroit où on enterre la personne? Mais est-ce que Quand dans le Coran et dans la Sunna on parle du bonheur de la tombe et du châtiment de la tombe, est-ce que ça veut dire que c'est quelques centimètres qui sont creusés? Est-ce que c'est quelques centimètres de profondeur? Hein? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la tombe? Non, la tombe c'est un sens plus large. On dit la tombe l'itarlib, comme disent les ulama, parce que la majorité des gens quand ils meurent, on les enterre. La majorité des gens quand ils meurent, on les enterre. Et donc c'est pour ça qu'on a évoqué, que le terme tombe est évoqué. Parce que même les autres, celui qui est mangé par des baleines, ou celui qui est mangé par les phoques, ou celui qu'on a jeté dans un lave de volcan, lui aussi il va subir la tombe. Mais la tombe dans son sens le plus large. D'accord? Donc la tombe c'est le barzakh plutôt. عذاب القبر ونعيم القبر parlons de l'barzakh, de l'autre monde. D'accord? C'est ça la tombe. C'est le monde de l'au-delà qui n'est pas analogue aux normes d'ici-bas. Le monde de l'au-delà est subit d'autres normes. Donc tombe, on l'utilise parce que la majorité des gens, on les met dans la tombe. Mais sinon, tous les autres, on va l'enterrer et on va l'asseoir. Et l'autre qui est dissous dans la lave du volcan, ben lui aussi, on va l'asseoir et on va le mettre au monde. D'accord? C'est-à-dire là où on enterre les morts, ce qui évolue bon, par cette expression, et il sera demandé à chacun d'eux. فَيُقَالُ لِلْرَجُلِ Ibn Taymiyyah dit. فَيُقَالُ لِلْرَجُلِ C'est-à-dire celui qui demande, c'est qui demande? يُقَالُ لِلْرَجُلِ Il sera demandé à chacun d'eux. C'est qui va demander le mort? C'est qui? C'est les anges. Mais c'est qui ces anges-là? C'est qui? Hein? D'accord. Deux anges. C'est deux anges qui vont venir à la personne dans sa tombe. Ils le font asseoir. Ils lui demandent, alors qu'il entendait les pas des gens qui l'ont enterré, là quand les gens l'enterrent, et qu'il est dans sa tombe, il va entendre les pas des gens qui se détournent de lui. Après ça, il n'y a plus de rapport entre ce monde-là. Ici-bas et l'autre monde. D'accord? Il est coupé du monde extérieur. Quand les anges ils viennent, après qu'il a entendu les pas de ceux qui se sont détournés de lui après l'avoir enterré, quand les anges ils viennent, ça y est, il est dans l'autre monde. Il n'a plus de dialogue avec l'au-delà. D'accord? J'insiste et je réinsiste l'expression le vœu. J'insiste là-dessus et j'insiste une deuxième fois qu'il n'a plus de rapport avec l'autre monde. Parce qu'ils vont te faire un livre complet comme ça. Tous des hadiths sahih. Et à la fin, il va te dire, le mort est là, en rapport avec le monde vivant. Le mort est là, en rapport avec le monde vivant. Et qu'il entend ce qu'il te dit, et qu'il peut te répondre. Et pour ça, pourquoi il te dit ça? Il t'emmène vers où? Vers Shirk. Ah, il t'emmène, il t'ouvre une porte, sans que tu le saches. Les gens achètent des livres après la mort, la vie après la mort. Les gens sont à fond dedans. Mais pourquoi ils propagent beaucoup de livres comme ça? Pour jeter les gens dans le shirk. Parce que ça va te pousser à adorer l'autre de cet homme. Ils disent ce cher, ce wali, ce grand wali, c'est un homme vertueux, c'est un grand savant. Et puis, bon, j'ai lu dans le livre qu'ils nous entendent, ils vont te sortir des ambiguïtés et que les prophètes, ils entendent quand on dit salam ou salatu ala rasulillah, ils reçoivent l'information, ils reçoivent la salat le prophète. Donc, ils nous entendent, donc on peut l'invoquer, on peut l'adorer. Et l'entendre dans quoi? Dans shirk, qu'Allah ne pardonne pas. Donc, il n'a plus de contact avec l'autre monde. D'accord? Il y a même ce croyant qui m'a parlé d'un livre où les prophètes, dans leur temple, on leur amène la nourriture. On leur amène à manger aussi. Ils mangent. Ils font l'analogie avec ici-bas. Ils vont aux toilettes aussi. Subhanallah. C'est ça où on entend les ambiguïtés quand on lit des livres comme ça. Le jour du jugement, t'es passionné pour le monde du jugement. Un livre, il est beau avec un bon décor, jaune, rouge et tout, ben tu l'achètes. Et tu commences à gober tout ce qui est dedans, et puis il est passionnant, et puis tu passes la nuit blanche parce que c'est impressionnant, et puis t'as plein d'ambiguïtés le lendemain, et pour les sortir, il faut saliver les gens qui connaissent. C'est un problème. Évitez. Ne compliquez pas les choses sur vous. Petit à petit, et patientez dans l'apprentissage, parce que l'ilm, c'est sabr. Satajiduni insha'Allah sabiran, wa la a'silaka amra. Moussa, qu'est-ce qu'il a dit Al-Khadr, alayhi salam, dans la fin de surat al-Kahf, vous la lisez. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Moussa, il dit à Al-Khadr, est-ce que je peux te suivre pour que tu m'apprennes ce qu'Allah t'a donné comme bonne chose? D'accord? Et après, il a dit, qala lam tastati'a ma'ya sabran. Et la personne l'a dit à Moussa, tu peux pas être patient avec moi et tout. Et Moussa, il a répondu, Satajiduni, Inch'Allah, sabira. Wala a'saylaka amra. Tu vas me trouver endurant, plein de patience, et je ne vais pas te désobéir. Donc c'est la patience dans l'apprentissage. L'une des règles qu'on peut déduire de ce verset du Coran. Il faut patienter, il ne faut pas se précipiter. Oh là là, il faut que je comprenne toute la religion. Non, c'est petit à petit. D'accord? C'est petit à petit. Parce que si tu veux rentrer dedans, dès le début, comme ça, tu veux tout comprendre, ben tu vas t'épuiser, tu vas te lasser, et puis tu vas te désespérer. D'accord? C'est petit à petit, pas à pas. Je peux éclaircir, quand on passe le... On est devant la tombe du prophète en scène. Ce qui est légiféré dans la sunna. Voilà. Salam. Abdullah ibn Omar, il dit Assalamu alayka ayyuha al-Nabi. Assalamu alayka ya Aba Bakr. Assalamu alayka ya Abata. Ya Abi. Puisque c'est son père qui est enterré le troisième. Voilà. Voilà la sunna. Voilà ce qui est évoqué. Voilà ce qu'on fait salaf salak. Mais là de s'essuyer, là de faire, je sais pas moi, écrire une lettre et peut-être que la réponse tu vas recevoir la réponse par un djinn parce qu'il a trouvé le moyen pour, il a trouvé un trou là dans ton cœur, vite. Il va se manifester dans le rêve, il va dire, bon écoute, j'ai entendu, j'ai reçu ta lettre. Ben je vais exaucer ton vœu, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est le travail du shayatin. Les anges, on revient. Les anges, ils le font asseoir et le demandent alors qu'il entendait les pas des gens. J'ai dit, il va attendre les pas des gens. Après, quand il le font asseoir et le demande, il a une coupure totale avec le monde de l'extérieur. D'accord? Des gens, quand ils se détournaient de lui. C'est pour cela que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le mort est enterré, il se met debout près de sa tombe et dit, d'après un hadith de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, je vais le dire en arabe, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. Le hadith. Le prophète صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم. Quand on avait fini d'enterrer le mort, le prophète, il se tenait debout devant sa tombe et disait, priez pour l'absolution de votre frère et demandez à Allah d'affermir sa langue dans ses réponses aux anges de la mort, car il est en train d'être questionné. D'accord? Quand on finit par l'enterrer, à la personne, de dire, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah il leur a permis dans les réponses, parce que ce moment-là, juste après, ce moment-là, conviction totale du croyant que ce moment-là, la personne, les anges, ils sont en train de le questionner. D'accord? Et il est bien, et ça rappelle, c'est bien que après avoir enterré quelqu'un, de dire une exhortation. D'accord? de leur montrer, c'est-à-dire de leur dire voilà la fin de chaque personne, voilà maintenant il est dans notre monde, il va passer dans notre monde et tout, pour que la foi elle monte et c'est, on a beaucoup de récompenses. Hein? Vous lisez dans Riyad Salihin, Bab, Mawa'idha, Ind al-Qabr, le titre, chapitre, exhortation, près de la tombe. C'est-à-dire rappeler les gens et tout, leur dire voilà la fin de chaque personne, voilà. Et invoquer Allah pour qu'Allah, il raffermisse cette personne pour qu'elle réponde aux questions. Mais sabbitu Allah, الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah, il a permis ceux qui ont cru par la parole, par la vraie parole, par la parole, comment la traduction? بالقول الثابت, la bonne parole, ici-bas et dans l'au-delà. Et la bonne parole, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Parce que déjà avant, le verset qui est avant, le verset du Coran, ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الله il a donné une parabole, un exemple d'une la ilaha illallah, la kalima qui elle est comme un arbre, il a des racines, il est vraiment enraciné dans la terre et qu'il a des il se ramifie vers le ciel et qui donne ses fruits. Et juste après ce verset là, cette parole qui est la ilaha illallah, Allah il dit يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah, il a permis ceux qui ont cru. Donc, par la bonne parole, c'est la ilaha illallah. Bien sûr, à la personne d'essayer de comprendre ce que signifie la ilaha illallah. Donc, de prier pour lui. Le hadith, il est sahih, il est rapporté par Abu Daoud. Mais les deux anges, ils s'appellent comment? Il est rapporté par certains hadiths qui s'appellent Nakir ou Munkir. Comme c'est rapporté par l'imam Tirmidhi, l'imam Tirmidhi sous le hadith numéro 1083, ou Ibn Abi Asim fi Sunnah, hadith numéro 864, ou Al-Ajurri fi Shari'a, hadith numéro 365, an Abi Huraira, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha qubir al-mayitu, ou qala ahadukum, إذا قبر الميت أو أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. Donc c'est un hadith rapporté par ces ulama-là, Tirmidhi ibn Abi Asim al-Ajurri. D'après un hadith de Abu Huraira, que quand la personne il meurt, deux anges qui sont noirs et qui sont bleus, mais je sais pas, noirs et bleus, أسودان et أزرقان. Je me contente de la version en arabe. Malakan, deux anges. Aswadan, Azraqan. L'un d'eux, il s'appelle le Munkir. Et l'autre, il s'appelle Nakir. Ou le hadith, il a été authentifié par Cheikh Al-Bani Hafidhahullah. Dans ce c'est l'Ahadith Sahih, sur le numéro 1391. Est-ce que ces anges-là sont des anges nouveaux qui vont venir? Ou est-ce que c'est ceux qui l'écrivent? C'est les anges qui écrivent? Ce que tu as fait de bon, ce que tu as fait du mauvais. Est-ce que c'est cela ou c'est d'autres? Là, les deux recueillants assis à côté, assis à droite et à gauche. Est-ce que c'est ces deux-là, sur les deux dont dit Allah subhanahu wa ta'ala, les deux recueillants assis à droite et à gauche, ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Pour la personne, il ne prononce pas de parole sans qu'il y ait, sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire, c'est-à-dire les anges qui écrivent, les scribes. Parmi les savants, il y en a qui ont dit que c'est les deux anges qui accompagnaient la personne. Parce qu'à chaque personne, il y a deux anges qui écrivent ses actes, et dans la tombe, ils lui demandaient les trois questions. Et certains savants, ils disent que ces deux-là qui sont toujours avec « Wa inna alaykum la hafidhin » Certains savants ils disent que ces deux scribes là ils vont être avec toi dans la tombe et c'est eux qui vont te demander puisqu'ils ont tout écrit sur toi. D'autres ils disent non, c'est d'autres anges parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part lui, parce qu'il y a beaucoup d'anges, il y a et nul ne les connaît. Donc on peut pas dire que c'est vraiment ces deux-là qui vont asseoir là le mort et vont lui demander. Donc il y a certains qui disent ça et d'autres qui disent ça. Donc, les questions, c'est quoi? Qawluh, je continue la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, Mar Rabbuk, ils vont lui dire, Mar Rabbuk, quel est ton Seigneur? La première question, quel est ton Seigneur? C'est qui, celui qui t'a créé et que tu adores et que tu te dévoues à lui? C'est ça, c'est celui qui tu adores. Parce que ton Seigneur, ça ne veut pas dire seulement le Créateur et celui qui dirige l'univers et celui qui est... Non, c'est celui que tu adores. Parce que celui qui adore des statues, il va être dans une situation grave ici. Celui qui adore les stars de télé, celui qui adore son cher, celui qui adore des tawaris, il va être dans une situation critique ici. D'accord? Qui est ton Seigneur? Qui est celui à qui tu te dévoues dans, dans l'amour, dans l'appréhension, dans la crainte, dans la prière, dans le hajj, dans l'amr bil ma'ruf, on est allemand qui a propagé ce qui est bon et enlever et interdire ce qui est blâmable. Dans le jihad, à qui tu t'adresses, à qui tu te dévoues? C'est ça les questions. Quelle est ta religion? C'est quoi les adorations qui te rapprochent d'Allah? Regarde le savant comment il a compris la religion, subhanallah. Il a dit, quelle est ta religion? Et le Cheikh Al-Uthaymeen, il dit,